À la période de questions, j'en ai une. Je l'ai pas écrit. Je l'ai mémorisé. La commande de 20 000 là, qui arrive toute seule. Mais il y a beaucoup de personnes ici qui m'ont demandé comment. Comment faire pour qu'elle arrive toute seule? Ben, je leur ai dit, ils avaient juste à passer une commande à Charles. Comme ça, ça va arriver. Mais il y a quand même un minimum de choses qu'on doit faire pour que des. Il n'y a pas quand même un minimum de choses qu'on doit faire. C'est une parole fausse amenée par un ego insatisfait et impatient. Il n'y a pas quand même, il y a un minimum de choses à faire. Il faut quand même un minimum de choses à faire. C'est aussi l'expression d'un ego qui veut toujours se mettre des bâtons devant dans les roues, des limites et des barrières en avant. Oui, mais il y a quand même quelque chose. Ça ne fait pas l'évolution méritoire. Mais si je reste assis dans mon salon chez nous. Dans ton salon, non, c'est pas mon salon peut-être, mais dans le salon de quelqu'un. Quand est-ce que la commande de 20 000 va arriver? Non, celui qui veut pas sa commande. Quand est-ce que la commande va arriver? Elle n'arrivera pas à la maison. Quand même, il faudra que j'aille au bureau pour développer l'enveloppe. Il faut comprendre une chose qui est difficilement accessible aux égos. Explique-le à l'autre, puis mon égo va s'en rappeler. Non, je sais qu'il va s'en rappeler. Il y a le travail acharné. Te rappelles-tu le temps où tu courais après les sauterelles et les termites, puis que tu bouffais ça directement, trouvant ça joliment bon? Non, j'ai oublié ça. T'as oublié ça, hein? Donc, tu tiens seulement ce que tu veux. Il y a eu un temps où l'humain était un prédateur. On est prédateur aujourd'hui, mais on est un prédateur social. Si on est fait socialiser, à un moment donné, ça paraît moins qu'on prédate. On mange du poulet, mais on ne sait pas quel poulet. Il fallait que quelqu'un court après pour le tuer. Quand on tue le poulet, on ne veut pas manger du poulet. Alors, il y a eu un temps où l'humain travaillait énormément pour pouvoir uniquement supporter la condition dégradante de son corps physique, c'est-à-dire qu'il l'empêchait de mourir. Il fut un temps où l'humain a été un peu plus investi de conscience astralisée, donc de copie de la copie de la copie de la copie de l'intelligence, et l'humain a commencé à créer des sociétés. Créant des sociétés sous l'égide des divinités, parce que les divinités voulaient avoir des nourrisseurs de Dieu, des êtres qui prieraient, qui souffriraient et pâtiraient pour les dieux. Alors ils ont réuni en société. Les sociétés ont fait des cités de Dieu, des peuples de Dieu, etc. Ces peuples-là ont réussi à travailler énormément, mais à travailler un peu moins et à commencer à se donner du confort. Le confort abîme la tradition. Le confort abîme la tradition, c'est pas long que les divinités disent aux humains que attention au luxe. Mais finalement, le luxe du passé est une chose absolument essentielle aujourd'hui. Il fut un temps où avoir de l'eau courante, il y a eu un temps où tu étais un humain qui courait après l'eau. Mais quand tu as eu l'eau courante, l'eau qui courait après toi, qui rentrait chez vous, c'était un luxe. C'était normal de sortir avec sa chaudière, d'aller chercher de l'eau. Et aujourd'hui, pas avoir d'eau. Même avoir le téléphone, c'était un luxe total, le téléphone, imagine-toi. Mais ça devient des choses qui sont essentielles. L'humain travaille de moins en moins pour assurer sa subsistance et travaille de plus en plus pour assurer le plaisir de l'ego. Alors finalement, il a eu la possibilité de se libérer de la matière pour pouvoir se tourner vers de la lumière. Se libérant de la matière, il s'est fait ramasser par ce que l'on appelle Ahriman et s'est fait ramasser par la nourriture de l'ego. Alors maintenant, il veut occuper l'ego, occuper les mémoires. Il travaille quand même de moins en moins pour assurer sa survivance. On a maintenant des maisons, des fois on a des chalets, on peut faire des voyages, on a plusieurs choses pour se distraire et la majorité de la finance va dans le luxe. Le luxe théologique, c'est-à-dire l'occupation d'ego, et pas nécessairement dans le support des conditions vitales matérielles. Plus nous évoluons, moins nous travaillons. Et on peut le constater. Évidemment, il y a toujours des égos qui se font charrier, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui meurent. Bon. Mais l'humain travaille de moins en moins. Tu dis, il y a quand même des choses à faire pour. Oui, parce que tu n'es pas encore suffisamment évolué. Si je n'étais plus évolué, là, je n'aurais pas sorti de la maison, puis l'argent rentrerait tout seul. Ben, ou j'aurais... Non, l'argent ne rentrerait pas comme ça, non. Ben, mais comme... effectivement, on t'enverrait des chèques. Ah, qui? Qui m'enverrait? Est-ce que c'est pas important? Qui en autant que je reçoive? Oui. Eh bien, à un moment donné où, effectivement, tu ne travailles plus. Pour faire quoi? Tout à l'heure, je regardais... Tu fais des conférences, là, Justin? Je regardais ma petite montre et je me disais, mon égo disait, n'empêche que l'humain est quand même extraordinairement bon. Regarde ce qu'il peut fabriquer avec la matière. Et en même temps, mon intelligence me dit, ben non! C'est pas extraordinaire. Il a fallu qu'un gars travaille pour la faire. Il va venir un temps où, effectivement, quand tu auras besoin de savoir l'heure, tu sauras l'heure. Il va venir un temps où, quand tu auras besoin d'une montre, pour montrer que tu sais l'heure, tu auras une montre. Sauf que le métal ne sera pas tout petit comme ça pour plier. Ce sera du métal super solide, comme ça, ici, qui se pliera. Tu vois le côté ici? C'est un carré. Vous voyez le carré ici? Dans l'Antiquité, les montres, c'était rond parce que ça se dévissait pour changer, pour tripoter dedans, pour les enfants fessiers brisés. Mais il existe des montres comme ça, carrées, que tu dévisses, effectivement, pour fouiller dedans. Tu les dévisses, et c'est carré. L'humain, un jour, ça existe déjà dans un certain temps que vous ne connaissez pas parce que vous appelez cela l'avenir. Mais il y a effectivement un temps où tu ne travailles absolument plus pour te nourrir, pour te vêtir, pour te transporter et pour te loger. On appelle ça une société intelligente. Ça existe. De notre point de vue, disons, ça va exister. Et l'humain se dirige vers ce genre de choses. Sauf qu'il y a des individus qui, présentement, sont totalement ramassés par les archétypes. L'humain ne peut pas discerner. L'évolution, ça doit d'être facile, c'est un fait. Mais l'évolution, c'est facile. Par contre, la conscientisation de l'évolution qu'on doit abandonner, c'est souffrant. Et l'humain reste pris toujours avec ses vieilles peaux. L'humain ne veut pas abandonner son vieux linge. Tu changes de classe, tu deviens aristocrate planétaire, c'est-à-dire que tu deviens quelqu'un pour qui tous ceux qui veulent travailler, travailleront. Si tout à l'heure, j'ai dit que tu gagneras ton pain à la sueur du front des autres, c'est un fait. Il y aura toujours, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, c'est bien, des animaux humains qui voudront travailler, qui seront nourris par l'initiation méritoire. L'initiation de l'animal humain, l'initiation lunaire. Celle où je dois mériter. Moi, je n'ai peur de rien. Je ne suis pas courageux, je ne connais pas la peur. C'est idiot, c'est comme ça. Mon ego peut connaître la peur. Lui, c'est un cave, c'est un imbécile, de temps en temps, ben, je dois le rendre courageux. C'est possible. Mais quelqu'un va dire, ouais, mais tu ne connais pas la peur, il n'y a rien là. T'sais. Celui qui connaît la peur, puis qui la vainc, qui est courageux, lui, c'est un imbécile. Lui, c'est quelqu'un qui doit prendre son énergie, sa vie, son temps, tout motivé au complet pour contrôler quelque chose que moi, je n'ai pas. J'avoue que ce n'est pas méritoire, j'avoue que c'est comme parler comme je le fais là, c'est facile. C'est ridiculement facile. Alors quelqu'un va dire, ah bon, alors vous n'avez aucun mérite. Exact, je n'ai aucun mérite. C'est tellement plus facile. C'est de ne pas parler, toi, que t'as plus de mérite. Non, je suis capable de ne pas parler. Quand je me tiens avec, je ne dirais pas qui, mais en fait, tu la connais bien, tu restes avec. Bon. Pour revenir à mon chèque de 20 000, là, qui n'est pas arrivé. C'est pas nécessaire que tu fasses quelque chose pour tes 20 000 commandes arrivent. Si je n'ai pas le niveau d'évolution nécessaire à ce que ça se produise, alors, et que demain matin, mon ego décide qu'il ne travaille plus, parce que de toute façon, M. Kemp a dit que je recevrai des chèques, est-ce que le gérant de banque va venir saisir ma maison avant que mes chèques arrivent ou après? Non. Le gérant de banque ne viendra pas... Pour l'évolution, est-ce qu'il va tout me faire perdre avant, puis après ça, il va me faire gagner quelque chose? Premièrement, tu sais par l'expérience que ce n'est pas ce qui arrive. Mettons que je ne savais pas. Et ce n'est pas ça qui va arriver. Non, l'humain est convaincu. J'expliquais à un moment donné à une conférence spéciale, une conférence séminariste, qu'il y avait un principe dans la conscientisation que j'appelais la corde raide. Celui qui se conscientise se voit placé sur une corde raide où il n'est plus riche et où il n'est pas pauvre. Où il n'a pas d'argent, mais où il ne manque pas de nourriture. Où il ne perd pas tout ce qu'il a, mais où il ne voit vraiment pas comment ça se fait qu'il n'est pas perdu. Une corde raide. Cette corde raide, elle restera pour l'éternité chez celui qui arrive à une phase de conscientisation où il devient supramentalisable. Celui qui devient supramentalisable est un être humain qui peut devenir son seul maître. Être son seul maître ne veut pas dire que tout le monde t'obéit. Ça veut simplement dire que toi, tu n'obéis qu'à toi. Ça veut dire que tu n'es plus manipulé par les facteurs astraux qui créent des désastres. Tu n'es plus manipulé par les conditions climatologiques, tu n'es plus manipulé par les collectivités d'animaux humains, tu n'es plus manipulé par les événements boursiers, tu n'es plus manipulé par le facteur de travail, tu n'es plus manipulé par les besoins d'alimentation des dieux, tu n'es plus manipulé par les mécanismes archangéliques d'évolution. Tu n'es plus manipulé que par ton intelligence. Et cette intelligence, on y reviendra à un moment donné, mais cette intelligence, c'est un facteur qui provient d'une mécanique intentionnelle que l'humain ne connaît pas, qui est intentionnelle donc, qui est capable de décision. Et qui est capable de créer à partir de rien, sans raison de créer. Ça ne peut pas être compris par une conscience astrale qui a toujours besoin d'une raison. Oui, mais Dieu nous a créés parce qu'il s'ennuyait, hein? C'est une bonne idée. Non, c'est parce qu'il nous aimait tant. Ah oui, il nous a créés. Avant qu'il nous crée, il ne nous aimait pas, il n'était pas là. Mais pourquoi Dieu aurait-il créé l'humain? Parce que dans sa plénitude de bonté, il s'ennuyait à mourir. Non. L'humain ne peut comprendre un facteur d'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quelque chose qui apparaît sans raison. S'il y a une raison, c'est une réaction, ce n'est pas une intention. Lorsque l'humain arrive à une forme d'évolution, il parvient à travailler de moins en moins pour subvenir à ses besoins mineurs. Mais quelle est la limite de tes besoins mineurs? La limite des besoins mineurs de l'individu, qu'est-ce que c'est? C'est un repas par semaine. Ah oui. C'est le vêtement nécessaire à le protéger des moustiques, des épines, des arbustes et des intempéries, pas des regards d'autrui. Et si le vêtement est, peut rester, même s'il est un peu en loque, 3, 4, 20, 30 ans, il reste, c'est correct. Qu'est-ce qu'un abri? Une grande chevelure? Dans certains cas, c'est compliqué. Alors, ça sera un chapeau. Mais pas ça, des toits ouvrants. C'est ça, des toits ouvrants, en fait. C'est le luxe. Mais l'être humain qui se conscientise, qu'est-ce que c'est que le minimum? Le minimum, c'est la capacité de se transporter rapidement. Transport en commun ou automobile, transport individuel. C'est 3 repas par jour, des fois 4. C'est une maison. C'est différents vêtements de façon à pouvoir ajuster son nombre de formes, de façon à obliger les mémoires réincarnationnelles à venir à l'intérieur de lui, de façon à digérer leur énergie formique pour s'en servir. Celui qui se conscientise un peu plus, c'est quoi les limites minimum à sa vie? C'est une automobile de première classe. C'est une maison, il est propriétaire. C'est suffisamment de vêtements pour être accepté dans n'importe quelle couche de la société. C'est suffisamment de pouvoir monétaire pour voyager à l'échelle de la planète en première classe. Puis, si possible, sur Concorde. C'est des choses qui sont à la limite de ce qu'un être humain a besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? De la boue? Non. Tant que l'être humain est un animal humain, effectivement, il vit de l'initiation méritoire, alors il mérite. Et alors, il s'entasse dans des autobus avec des cochons, des poules, un paquet de trucs. De temps en temps, ça tombe dans des ravins. De temps en temps, ça arrive à l'heure. Puisque, habituellement, ça part même pas à l'heure. Et plus l'humain évolue, plus la limite minimum de sa condition, c'est le luxe pour beaucoup d'autres. Qu'est-ce que l'assistance sociale ici? C'est le minimum. Ben, allez faire un tour dans les deux tiers de la planète Terre, et vous verrez que, tabarouette, c'est le paradis. Je suis sur l'assistance sociale, j'ai même le droit à une télévision noir et blanc. On ne peut pas saisir un téléviseur noir et blanc si on vient saisir tout ce que vous avez. On vous laissera une table, un téléviseur, on vous laissera un poêle, on vous laissera un réfrigérateur, on vous laissera des choses. Alors que là-bas, si on vient vous saisir, on vous saisit la vie, mais vous n'avez rien d'autre. Mais nous sommes plus évolués, donc notre limite, la corde raide, il n'y a pas de danger. Puis quand tu es à ce stage d'évolution, même si tu ne fais rien, tu n'iras pas plus bas que ce niveau-là. Tu ne peux aller plus bas que le fond. Même si tu essayes. Oui. OK. Il n'y a pas de danger, un jour tu ne feras plus rien et tu n'auras pas besoin de rien faire non plus. Tu dépenseras. Vaut mieux penser que dépenser, disait mon père, c'est pas bon. Si notre ajusteur de pensée peut se servir d'un guide spirituel faisant partie de l'astral, alors comment faire le bon discernement? Étant donné que le message de l'AP mais passe par un être astralisé. L'ajusteur de pensée n'entre pas en contact avec des guides ou des maîtres du plan astral. C'est le canal réincarnationnel qui fait dans le monde astral un travail similaire à l'ajusteur de pensée. Lorsque l'ajusteur de pensée est déconnecté du canal réincarnationnel, il a accès au plan moronciel. Lorsqu'on a la capacité de comprendre une question de par son énergie, non pas de par ses mots, cela rajoute à l'ajusteur de pensée des morceaux d'énergie qui allongent son canal et qui le force à traverser le monde de la mort pour gagner le plan supramental. Alors l'être humain a maintenant accès par son ajusteur de pensée de l'information supramentale. Sauf que le canal réincarnationnel, tant qu'il n'est pas totalement étranglé et finalement totalement coupé, amène de l'information du monde de la mort, et l'être humain, c'est dans ces deux nœuds, dans ces deux informations qu'il devra amener son discernement. Le discernement n'est pas une condition d'intention de l'ego. Le discernement n'est donc pas une capacité volontaire de la conscience de l'humain. Le discernement, c'est surtout une condition mécanique qui apparaît lorsque l'ego de l'humain est capable de laisser les choses être ce qu'elles sont, sans vouloir à tout prix avoir un point de vue et une opinion. Si l'ego ne veut plus avoir raison, si l'ego ne fait que des expériences dans lesquelles il accumule de l'expérience, nécessairement il discernera. Le discernement, c'est lorsque le feu prend, vous avez le choix entre le garde-robe ou la porte de sortie. À un moment donné, vous sortez par la porte de sortie. C'est mécanique, c'est inconditionnel, vous discernez. Mais vous ne dites pas « Ah, je vais prendre ». Non. Vous sortez, Pendant que le cave, il dit, ah, je vais prendre la. Lui, peut-être qu'il va prendre la poudre de scampette. Fais ça de la cendre. Est-ce que tout ce qui vient de l'astral est automatiquement négatif, nuisible, de ce fait éliminé? Tout ce qui vient de l'astral est nécessairement mort. C'est de la mémoire. De la mémoire, ça peut être utile. De la mémoire de solution, ça solutionne. De la mémoire d'efficacité, ça rend efficace. De la mémoire réincarnationnelle, d'expérience, ça donne de l'expérience à l'ego. Où l'astral nuit, c'est parce que la conscience de l'homme ne se tourne que vers l'astral et appelle cela la réalité. Appelle cela Dieu, le Créateur. Appelle cela de l'expérience, et sans expérience, on ne peut rien faire. Appelle cela de l'apprentissage. Sans apprentissage, on ne sait rien. Alors qu'une intelligence supramentale, qui est de l'intelligence active, qui n'est pas de l'intelligence passive, comme l'est l'intellect de l'humain. Passive, pourquoi? Parce qu'elle est limitée par les mémoires de l'homme. L'intelligence active amène à l'humain un savoir sans que celui-ci n'ait besoin d'apprendre. C'est un savoir instantané. Il libère l'humain des entraves de la mémoire, de l'expérience, ce qui permet à l'humain d'avoir des réponses neuves à de vieilles questions ou à des questions neuves. La mémoire, le monde de la mort, la problématique qu'il a. Il oblige l'âme de l'humain à concentrer son expérience de vie dans une évolution qu'il appelle spirituelle, qui est uniquement une évolution amique, qui oblige l'humain, lorsque le corps physique meurt, à réintégrer le monde de la mémoire et à se dissoudre à l'intérieur de lui. L'humain est un être mortel. Mais lorsque l'on se sert du monde de la mort dans un but conscient, lorsque l'on s'en sert d'une façon consciente, lorsqu'on est capable d'être une autorité mentale dans l'astral, dans le monde de la mort, donc dans le ciel, lorsqu'on notre nom est connu dans le monde de la mort, c'est là d'ailleurs que les archanges commencent à se grouiller pour vous récupérer, l'énergie du monde de la mort servira à créer un dôme éthérique. Spirituellement, on peut dire que vous pourrez transformer des déserts en Éden avec l'énergie du monde de la mort. Ce n'est pas négatif, le monde de la mort. C'est de se laisser guider par le monde de la mort, qui est un problème. Le monde de la mort, le ciel, le monde astral est constitué du passé. Vous laisser guider par le passé veut dire refuser totalement le neuf. Étant donné que l'évolution de l'homme va vers le neuf et non pas vers le vieux, nécessairement, se faire guider par le monde de la mort, c'est rester dans de vieux archétypes qui nous confinent à rester ce que nous avons toujours été, les animaux humains. Lorsque l'être humain veut se diriger vers le vieux, il s'associe au monde de la mort et il boit son énergie. Lorsque l'humain veut s'associer au neuf, il cessera de nourrir le monde de la mort. Cessant de nourrir le monde de la mort, il fera souffrir le monde de la mort. Et le monde de la mort fera tout pour récupérer l'humain. C'est la problématique de l'évolution. Toute l'involution est contre nous. Tout le passé est contre nous. Et le passé, c'est la preuve de notre faillite. Mais c'est aussi une raison de plus pour ne pas recommencer à suivre le passé. Ça l'a foiré. Qu'est-ce qui te donne la certitude de tout savoir? Je peux vibrer ce que tu dis se rapprochant de la réalité, ce que j'en perçois. Mais je ne sais pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui te donne la certitude que tu es plus lucide que la majorité des humains? Premièrement, je me fous totalement de savoir si je suis plus lucide ou non que la majorité des humains. Une chose est certaine, c'est que je ne vais pas écouter les humains et que les humains viennent m'écouter. Ça, c'est sûr. Depuis le mois de novembre, on dirait que le ciel ou l'enfer me tombe dessus, peut-être les deux. Ça ne me lâche pas assez que ça finit par devenir cocasse. Je suis touché de tous les côtés. Pourquoi? Si c'est cocasse, c'est que c'est comique. Si c'est comique, c'est que c'est parfait. Vous n'avez même pas besoin de poser de questions. Vous êtes capable de vous répondre vous-même. Quand un être humain approche de la capacité de se répondre, ce n'est pas moi qui vais aller répondre, parce que je vais l'empêcher de poursuivre. C'est frustrant. C'est mieux. À un moment donné, je deviens confirmateur, c'est-à-dire que je ne réponds plus à l'humain. Il me dit la réponse et son ego a encore besoin de se faire accréditer. Alors je lui dis oui, c'est ça. Mais là, il ne me dit pas la réponse. Alors je ne lui dis pas oui, c'est ça. Je lui dis qu'il le sait. Qu'il continue à trouver ça cocasse et il le saura. Chose certaine, c'est que lorsque ça va arrêter, parce que ça va arrêter dans pas grand temps, s'il ne sait toujours pas pourquoi ça s'est passé, qu'il ne cherche pas pourquoi ça s'est passé. Qu'il continue à avancer, plutôt que de se dire, bon, maintenant je m'en suis sorti, qu'est-ce qui s'est passé? L'humain veut toujours avoir des explications. À un moment donné, l'énergie qui descend, qui peut être transformée en information, vous pouvez aussi la digérer en mutation, en énergification. Et maintenant que c'est fini, Mais on continue à avancer, je veux rien savoir de qu'est-ce qui s'est passé là. Alors, quand ça sera fini, si vous avez compris, c'est intéressant. Si vous n'avez toujours pas su, moi je m'en fous. Et vous devriez vous en foutre aussi, puis continuer à avancer. C'est comme la journée, vous allez acheter des billets de loterie, vous allez gagner. Mais comment ça se fait? Franchement. C'est normal, naturel. C'est que ça. T'as acheté les billets gagnants. Comment voulais-tu perdre? Vous avez dit que Dieu est un mensonge cosmique. Voulez-vous insinuer c'est... qu'il n'existe pas? Non, il existe. C'est même un menteur cosmique. Vous dites que tout est mensonge, donc tout est illusoire, alors pourquoi aspirons-nous à des buts si tout est déjà accompli en nous? Parce que nous ne sommes que des observateurs de la mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'observer la mémoire? C'est observer ce qui est fait. Mais ce qui est fait, selon notre conscience, est uniquement en fonction de notre vision. Donc, nous observons uniquement ce que nous considérons comme ayant été fait. De ce fait, dans notre vision, il nous manque tout ce qui n'a pas été fait, même si c'est accompli. Et qu'est-ce que c'est que l'évolution de l'ego? C'est de cheminer apparemment consciemment, c'est-à-dire qu'il veut expérimenter ce qui est déjà accompli. Voulant expérimenter ce qui est déjà accompli, il devient un mangeur de temps. Si moi je dis à l'humain, c'est accompli, que l'humain dit, je veux une preuve, bien c'est ça le mot du problème. Vu qu'il veut une preuve, le feu ça brûle, je veux une preuve. Voilà, maintenant il y a une preuve. Il a la main brûlée, il souffre, il a expérimenté et il le sait. L'ego est de la mémoire et la mémoire, pour connaître, ne peut faire autrement que de mémoriser des choses. Mémoriser des choses veut dire détruire la réalité et la transformer en photographie. Quand je regarde la photographie d'un arbre, je peux dire c'est un arbre. Mais cosmiquement, c'est une photographie d'un arbre. Mais l'humain peut dire, mais non, regarde, c'est un arbre. D'accord, c'est un arbre, c'est une vision. C'est la mémoire d'arbre. Ce n'est pas un arbre. Mais dans la mémoire de l'humain, c'est ce qu'il y a. Il veut tout expérimenter, c'est un photographe. Alors il veut tout photographier, car il aura photographié l'univers au complet. Du temps zéro aller au temps zéro, il dira, ça y est, c'est accompli. C'est une mécanique de l'ego. Ça ne fait pas tellement longtemps que l'ego vit cette mécanique, du point de vue de la conscience. Mais ça fait quand même plus de 15 milliards d'années qu'il s'y essaie. Vous avez dit que Dieu est un mensonge cosmique, oui. Dieu est un mensonge cosmique. Pourquoi? Parce que l'être humain qui observe Dieu n'a pas ce qu'il faut pour le voir tel qu'il est. Donc, il décide de comment est Dieu. Décidant de comment est Dieu, le Dieu qu'il adore ne peut être autre chose qu'une farce, qu'un mensonge cosmique. Un jour en conférence, j'ai annoncé que j'avais vu Dieu et que Dieu était noir. Eh bien, tout le monde a eu des grands frissons parce que les gens, que je m'étais placé dans une énergie, qu'on me croit. Dieu est noir! Et là, les interpréteurs psychologiques, les intellects, vont immédiatement dire, non, Dieu n'a pas de couleur. Dieu, il est blanc ou pas de couleur. Quand même, entre êtres civilisés. L'humain a une vision... C'était pas une femme, en plus. J'ai pas été jusque-là. Parce que les femmes ne comprennent pas et les hommes non plus. Dieu est un mensonge cosmique parce que la vision que tous les humains de la planète ont de Dieu est une vision personnalisée de Dieu et une vision personnifiée de Dieu. Or, quand l'humain évolue, l'humain dit Dieu, c'est l'énergie. Bah, OK, ça n'est pas mieux. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est tout. Qu'est-ce que tout? Tout, c'est Dieu. Bon, intéressant. Qu'est-ce que grand? Grand, c'est pas petit. Qu'est-ce que pas petit? Pas petit, c'est grand. Puis qu'est-ce que c'est tout ça? Des mots. Un mensonge cosmique. L'humain qui prie Dieu ne sait pas ce que c'est que Dieu. En fait, c'est un Dieu humain qui prie. C'est une créature de Dieu, créature de l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Je dois demander parce que le cave en haut, il ne sait pas ce que j'ai besoin. Non. Vous nourrissez. Et ce Dieu que vous nourrissez, c'est un égrégore. C'est un têteux qui implante des lois. Et ces premières lois sont convertissées. Oui, ramenez d'autres alimentaires. J'ai soif et faim. Et adorez-moi, recouvrez-moi d'or, je suis laid. Et c'est un Dieu créé par l'homme. L'humain peut avoir l'image qu'il voudra de Dieu, cette image est une image d'humain. C'est un mensonge cosmique. Je ne dis pas que c'est toujours nuisible. Ça l'aide, souvent, l'ego. Mais à un moment donné, l'humain doit se se secouer un peu et abandonner ses choses. Vous dites que tout est un mensonge. Ben oui, c'est la vision de l'homme. Quand l'humain regarde un arbre, il dit, c'est un bel arbre. Moi, je dis, c'est un arbre. Ben ouais, mais c'est un arbre, c'est ça, c'est un arbre. Mais il est plus beau que celui-là. C'est un point de vue. Qu'est-ce que c'est que celui qui aime les peintures de Picasso? Ben, rien de plus con qu'un gars qui fait du cubisme. Qui place 3-4 yeux. Mais il y a beaucoup de personnes qui adorent ça. On avait des peintures psychédéliques à un moment donné. T'es arrivé là-dedans, tu fais tourner sur le mur, le quatre barres, c'était sur le bon côté. Quand même la mettre à l'envers. Puis... Ah, c'était aussi beau, effectivement. Et il y a des humains qui achetaient ça. Moi, je regarde des peintres aujourd'hui sur la rue Sainte-Catherine ou dans le Vieux-Montréal. Ils font des peintures qui sont géniales. Et je regarde les tableaux qu'on vend qui sont super laids, mais qui sont connus. C'est des gens connus. Gauguin, qu'est-ce que c'est que ces peintures? Ouais, je dis c'est Gauguin, mais quand même, Gauguin. On a des peintres drôlement plus efficaces que lui. Mais c'est un gars qui a mis la syphilis partout en Polynésie. Alors, j'imagine que c'est pour ça qu'il est connu. On espère attraper quelque chose. C'est un point de vue. Qu'est-ce qu'une peinture? C'est de l'art. Qu'est-ce que de l'art? C'est de la toile avec un paquet de couleurs placées dessus. Ben, c'est ça. Ça essaie de représenter un paysage. Qu'est-ce qu'un paysage? Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. C'est des points de vue. Les canettes de coke, d'habitude, aussi, non? Bah, oui, de plus en plus, oui. L'ego a des peurs astrales. Il doute, il est fou. Est-ce parce que l'être contrôle est détruit? Si oui, comment arriver au discernement? Dans son cas, l'ego, il est pas fou, il est folle. L'ego a des peurs astrales, c'est correct. Il doute, il est fou. C'est normal, il perd ses béquilles. Lorsque l'ego doit abandonner les dieux archétypaux, lorsque l'ego doit abandonner les trames sécurisantes du passé, de la mémoire, de l'éducation, pour se tourner vers le mental, vers ce qui, chez l'humain, peut et doit devenir le maître contrôleur, l'ego doit abandonner tout ce qu'il a appris comme étant ça, pour se tourner vers le mental, ce qu'il a appris comme étant l'ego commence à avoir des problèmes, il est effectivement fou, c'est-à-dire qu'il tourne, il cherche, il essaie de se placer, il a besoin d'informations. Le mental doit présentement instruire son ego. Il doit lui parler. Hey, petit, calme, couche-toi de dos. Je suis là et l'ego ne sera pas calmé du premier coup. Mais c'est la force où le mental doit devenir le maître contrôleur. C'est le temps où vous, Dieu, devez instruire votre créature, l'ego. C'est simple. C'est applicable. C'est le temps. Ça dure le temps que ça dure. C'est toujours trop long. J'avais rien dit encore. Dans le langage, oui, je sais. Dans le langage du PMC, l'interpréteur actionnel serait-il le chérubin? Oui. La Jérusalem céleste, est-ce que c'est le plan moronciel? Sinon, est-ce un état? C'est un chérubin de type yin. Ce n'est pas un chérubin de type yang. L'interpréteur actionnel, c'est une mécanique subatomique, donc constitue même les énergies qui constituent les particules, qui constituent les atomes, électrons, noyaux, protons, etc. L'interpréteur actionnel, c'est la mécanique du périsprit, donc d'un séraphin. Le séraphin, c'est un périsprit d'un âme totalement égoïque, donc très évolué. L'interpréteur actionnel, c'est donc une partie chérubinique de type yin qui interprète les mouvements de l'ego dans les mémoires volatiles en impulsions atomiques qui permettent la dépolarisation neuronique d'un cerveau humain. Cela permet donc l'interprétation de la pensée en gestuelle mécanique humaine. Donc, quand je pense à prendre de l'eau, je bois. Voilà, l'interpréteur rationnel. Quand la pensée dit, tiens, je veux bouger le verre, la pensée n'est pas capable, l'interpréteur rationnel seul est capable de le faire. Est-ce la Jérusalem céleste? La Jérusalem céleste, c'est une forme de paradisiation des mécaniques astrales. La paradisiation, c'est lorsqu'un ego a la capacité, dans les mémoires akashiques, dans les mémoires du temps, de retrouver les conditions qui ont prévalu à sa naissance. Il se retrouve dans un état paradisiaque qui porte aussi le nom de Jérusalem céleste. Par contre, la mécanique Jérusalem est une mécanique moroncielle qui fait appel à la partie yam d'un chérubin. C'est un peu complexe, une question qui est plus d'ordre conférence du mois, oui, conférence spéciale, mais quand même, la Jérusalem... Non pas céleste, céleste faisant référence au ciel, référence donc aux conditions qui ont prévalu aux prémices d'une réincarnation dans un ovule et un spermatozoïde en contact. Jérusalem, dans les termes de l'alchimie ésotérique du passé, juif catholique, c'est une mécanique qui appelle à la création d'un globe éthérique dans un endroit totalement immortel où vivront suffisamment d'entités éthériques, d'où l'idée d'une société ou d'une ville, donc d'une Jérusalem, dans le plan moronciel. Cela fait référence à la mécanique chérubinique Yann, qui, elle, aura la capacité d'interpréter l'ajusteur de pensée, la mécanique de l'intelligence supramentale, permettant à l'individu de créer à même l'énergie Yann et Yin, donc solaire ou tellurique de la planète Terre, de la matière. Autrement dit, lorsque le Nazaréen crée du pain, c'est un interprète. L'énergie devient de l'intentionnalité ajustée par l'ajusteur de pensée. Cela devient une forme pensée dans la conscience allégorique du Nazaréen. Cela va être amené en énergie subatomique, créant des constituants subatomiques, engendrant des particules atomiques. Qu'est-ce que le carbone? C'est simplement des protons, des neutrons, des électrons. Qu'est-ce que l'hélium? Même chose, en quantité un peu plus limitée. Qu'est-ce que l'hydrogène? Même chose avec un électron, un neutron de moins. C'est la même matière qui constitue toutes les expressions de matière que l'on connaît aujourd'hui. L'interpréteur chérubinique Yin va permettre au peuple, à l'assistance qui regarde le Nazaréen créer le pain, de bouger la main, prendre le pain, manger le pain, digérer le pain. L'animal humain est dirigé par un interpréteur actionnel de type chérubinique Yin. Celui qui parvient à une anégoïsation, donc création de double éthérique, finit par libérer, devient contrôleur de l'interpréteur Yann. Il marche sur l'eau, il marche sur l'air, donc il évite les problèmes de transport en commun, et il est capable de traverser les murs, il est capable de se fusionner à son double éthérique, donc de créer un double de lumière, il est capable de créer de la bouffe si les gens en veulent, il n'a pas besoin de manger, il respire. Alors, finalement, ben, ça explique un petit peu. La seule vraie bonne soeur, le BS, la bonne soeur, celle des autres, n'est pas payante. Mais je ne veux pas travailler dans des conneries et j'ai bien l'impression que l'astral serait bien content de me faire crever de faim. Quoique, personnellement, je m'en fous. Si on n'a pas le droit de vivre, alors je ne le prendrai pas, c'est tout. J'ai fait le test et effectivement, aucun billet de 1 000 $ ou de proposition payante après un minimum d'effort n'arrive. Dois-je essayer 2 minima plutôt qu'un, même si j'ai envie de tout foutre en l'air parce que les quotas des minima, je les ai dépassés jusqu'au maximum? Premièrement, l'individu ici est un individu qui a un intellect assez développé, assez élaboré, donc un ajusteur psychologique. L'ajusteur psychologique a comme fonction de transformer l'information de l'intelligence pour l'ajuster aux besoins de désinformation de l'ego. La personne a donc la faculté de récupérer énormément de bonnes informations pour les colorer, les désajuster en désinformation. La personne est présentement sous contrôle de l'intelligence. Elle a des symptômes de contrôle de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle ne contrôle pas l'intelligence, on ne contrôle pas l'intelligence, mais elle est contrôlée par l'intelligence. Et présentement, l'intelligence ne fait qu'un travail mineur, primaire, d'anégoïsation. La personne considère avoir atteint des quotas, alors qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est qu'un quota. Présentement, l'individu doit vivre une phase d'attente active où elle doit continuer à vérifier si c'est le temps qu'elle bouge. Et tant que ce n'est pas le temps qu'elle bouge, elle s'anégoïse de toute façon, donc elle avance le temps qu'elle devra bouger. Si l'individu se cœur avant, elle a été récupérée et ça va juste prendre un peu plus de temps. Maintenant, les quotas, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'était aussi. Si je veux gagner à la loterie et que je dis je vais acheter un seul billet une fois par mois, puis en plus en empruntant de l'argent, peut-être que c'est le bon quota. Peut-être que ce n'est pas le bon quota. Si l'individu se dit je vais acheter un billet par mois, évidemment, tant que ce n'est pas le temps, je perds mon argent, et quand ce sera le temps, je gagnerai. Ça serait plus brillant si j'en achetais seulement un au bon moment. Vu que je ne suis pas capable de discerner c'est quand le bon moment, je vais donc me brancher dans une phase d'attente active où je vais faire un minimum, mais régulièrement. La personne ici a un ego, un intellect, un ajusteur psychologique trop élaboré. Elle en conclut qu'elle, en tant qu'ego, ayant tout fait ce qu'elle doit faire, l'univers tarde, ou l'univers lui a menti. Elle est insuffisamment égoïsée pour être acceptée dans la phase de ceux qui vont vivre d'une évolution facile, ceux qui vont devenir des aristocrates de l'évolution. Elle doit encore attendre une journée, une heure, un mois, une année, une vie. C'est jamais trop long. Il lui en faut pas gros encore. Mais le pas gros, c'est le trop. Quelles sont les étapes pour expulser l'anti-homme comme l'a fait le Nazaréen dans le désert? Quelle est la différence entre expulser et digérer son anti-homme? Expulser, c'est le rejeter et il va se promener. Le digérer, c'est le rejeter, l'affronter et le tuer. Quelles sont les étapes pour expulser l'anti-homme comme l'a fait le Nazaréen dans le désert? Bon, c'est une très, très, très, très, très grande question. On va passer les autres rapidement, si possible, et on y reviendra. L'aura est-elle plus visible chez l'individu qui est habillé en noir qu'en blanc? Non. Est-ce que le discernement agit lorsque les sens sont éveillés, une intuition très développée qui communique sans être se sentir obligé de penser, de décider? Si on ne pense pas et on ne décide pas, l'intuition n'est pas un problème. L'intuition, c'est de l'information supramentale ou astrale, et le discernement fonctionne à plein si l'humain bouge vite. Est-ce que ce serait une connexion avec le savoir instantané? C'est une connexion avec le savoir instantané, maintenant à un niveau qui varie. Ceux qui participent à aucune décision préparée par la psychologie, qui n'ont besoin de rien parce que tout se fait sans qu'ils visualisent quoi que ce soit, ne souffrent pas, ne travaillent pas, mais s'amusent et en même temps font tout sans effort. Sont-ils des individus qui ne sont plus dans leur corps ou dans le corps? Ce sont des individus qui ne sont pas encore suffisamment réveillés ou qui sont suffisamment réveillés. Est-ce qu'ils sont encore dans le corps physique? Oui. Il y a des entités qui viennent habiter les corps seulement pour jouir sur tous les aspects de la vie, évoluer, posséder, etc. Sont-ils des anges? Et les anges désirent-ils un corps? Ce sont des anges, mais ce ne sont pas des anges. On appelle ça des diables. Mais des diables, c'est des anges. Ce sont des mécanismes qui possèdent. Il y a différents phénomènes au niveau des anges. Il y a différentes hiérarchies angéliques. Alors, il y a des mécaniques qui possèdent l'humain, qui sont angéliques. Il y a des mécaniques qui possèdent l'humain, qu'on appelle surtout fantomatiques ou entités. C'est le même phénomène, ça dépend des mots. Ça fait partie des anges. Ça, effectivement, c'est là uniquement pour se servir de votre corps, pour nourrir le monde de la mort, nourrir les dieux. Et les anges, ainsi que les archanges, qui sont les préservateurs des traditions collectives au niveau de l'évolution de l'animal humain, servent à cela. L'humain doit devenir son seul maître. C'est ça, un bon diable? C'est un bon diable. Totale. C'est un crise de gars, ça veut dire qu'il est mauvais, puis c'est un bon diable, ça veut dire qu'il est bon. Ça fait partie des mécaniques de désinformation de l'astral. Est-ce que l'anti-homme peut se détacher involontairement du corps physique? Non. Si oui, je pose pas le reste. C'est au cas. Si oui, quel phénomène amène-t-il cette expérience? Que faut-il faire? Je suis sûr que ce n'est pas une bilocation astrale. Ce n'est pas l'anti-homme qui se détache du corps physique par accident. Ce n'est pas un accident. Et autre chose, il y a l'anti-homme, et il y a aussi des parties de l'anti-homme, une main de l'anti-homme qui se dégage. Mais lorsque l'anti-homme sort de vous, probablement un anti-homme, ça peut quitter un corps physique quelques heures à quelques jours avant la mort d'une personne. Pourquoi? Parce que l'anti-homme ne meurt pas. Il ne gagne pas le monde de la mort, ce qui fait qu'il libère le corps physique d'une personne qui pourrait mourir, et l'individu se sent immédiatement calmé, apaisé, et elle est prête. Par contre, il y a des individus qui peuvent aussi voir leur anti-homme se séparer d'eux au cours de leur vie, et ça ne prémonitionne pas une mort. Mais une personne qui n'a pas son anti-homme est totalement libérée des mécaniques de l'évolution. Donc, une personne qui pose la question, est-ce que mon anti-homme a pu sortir pendant une heure ou deux? Si vous étiez totalement libéré de toute forme de problématique humaine, si vous étiez totalement libéré des dieux, possiblement que votre anti-homme est allé faire un tour. Ça ne se voit pas souvent. Je sais que le point central de mon ego, c'est l'orgueil. Celui-ci n'accepte aucun rejet, aucune domination. Celui-ci joue le jeu du médiocre de la grosse niaiseuse parce que ce n'est pas flatteur pour un autre égo de dominer une niaiseuse. Alors, on n'essaie même plus de le dominer. Ainsi, il peut dominer les autres de façon subtile. D'où vient cette peur du rejet? Comment passer à l'assaut de cette forteresse qui me semble si imprenable? Comment la partie intelligente peut-elle éjecter l'anti-homme vivant sous l'emprise présentement d'une peur si paralysante? Je trouve cela con, mais je vis avec cela, et le fait de l'écrire produit chez moi un bouleversement intense, un malaise désagréable. Acceptant le rejet, une partie de moi a l'impression qu'il ne serait plus rien, et cela, elle ne le veut pas. Elle ne veut pas céder, elle veut posséder. Quoi faire? Bon. Le point central de toute forme d'ego est l'accumulation d'énergie vers lui, donc égocentricité, et l'orgueil est une façon très diplomate de se nourrir. La personne, tous les égos sont des égos médiocres. Tous les égos. Celui qui souffre d'un complexe de supériorité d'un être humain qui a un égo qui se croit tellement médiocre qu'il doit continuellement être en état de se prouver qu'il ne l'est pas. Celui qui souffre du complexe d'infériorité est un ego qui a un égo tellement médiocre, qui a accepté sa médiocrité et qui veut absolument avoir raison. Donc, ça arrange pour que vos expressions soient médiocres. Comme ça, au moins, il y aura raison quelque part. Il y a deux façons de régler le problème. Une façon psychologique, une façon spirituelle, théologique, c'est la même chose, psychologique. Il y a une autre façon. Personne ici ne parle de son ego. Elle ne me parle pas d'elle. Donc, elle est mûre pour une solution plus planétaire, une solution plus puissante. Vu qu'elle ne me parle pas d'elle, dans son écriture, elle ne s'identifie plus aux conneries de l'ego. Et effectivement, vous n'êtes pas de l'ego. Vous n'êtes pas tout ce qui est décrit sur le papier. Vous le vivez, ou vous vivez avec. La personne doit non pas se tourner vers qu'est-ce qui cause le fait que, mais elle doit continuer à parler libérée de son ego. C'est simple. C'est souvent trop simple. Mon ego rejette le neuf. Mais moi, je l'accepte. Il manquait ça. Pour instruire l'ego, tu veux être médiocre, mais reste-le. Mais moi, je passe. Et veux pas, lentement, vous allez reprogrammer votre ego, mais surtout, vous allez développer votre mental. Non seulement vous allez vous énergiser, mais vous allez énergifier votre mental et vous allez vous diriger vers un état qui doit être acquis très prochainement pour beaucoup d'humains, être son seul maître. On vit avec un virus majeur, l'âme. L'âme est déifiée par un agglomérat identifié, l'ego. Et tout cela contrôle l'interpréteur actionnel. Tout cela contrôle le corps physique. Nous, l'intelligence, exprimée dans le corps par le biais du mental, nous devons expliquer à l'ego ce que nous voulons. Parce que nous, l'intelligence, exprimée dans un corps planétaire par le mental, avons un mental qui ne contrôle pas l'interpréteur actionnel. L'ego s'exprime par sécrétion endocrinienne. Il accélère le cœur de notre corps. Il fait transpirer notre corps. Il nuit à la digestion, il le rend malade. Et nous, mentalement, nous disons c'est stupide. Mais nous n'avons pas le contrôle de l'interpréteur actionnel. Alors nous devons dialoguer avec l'ego. Nous devons raisonner l'ego. Mais l'ego, ça ne se raisonne pas, ça se reprogramme. C'est pourquoi nous devons répéter souvent notre raisonnement à l'ego. Et à la longue, on dit « Ah, il a fini par se raisonner. » Ça se programme. Vous devez donc programmer votre ego. Vous devez donc répéter à votre ego. Et vous ne devez jamais jouer comme si vous étiez de l'ego. Oh ben là, merde, j'en ai assez, l'ego! Un mental, une intelligence, un dieu, une déesse, un aristocrate, ne parle pas comme ça. C'est de l'ego. C'est l'ego qui maintenant se prend pour le mental puis qui donne la marde au reste de l'ego. Mais on vient de se faire avoir. C'est de l'ego qui joue de l'ego. On reste mental. Et là, merde! Ah, c'est ça, oui, merde, connard. Là, je viens de parler de la partie qui vient de donner des bêtises à l'autre. La personne, elle est prête à une solution beaucoup plus puissante. Celle où elle va devenir son seul maître. Il y a une action de PMC qui dit que l'homme doit être son seul maître. C'est un fait. Elle est prête. Après être écœuré de l'écœurement, il y a comme un vide en moi qui ne peut même plus réagir. Il n'y a pas comme un vide. Il y a un vide en moi. Oui. C'est une faute probablement. Qui ne peut même plus réagir à la souffrance en même temps que je ne veux plus de souffrance, même si l'astral m'en impose. Parce que la souffrance n'est plus aussi souffrante. La seule souffrance reste celle à long terme de devoir vivre ici. Je considère que j'ai tout fait ce que je devais ce que j'avais à faire sur Terre, et à présent, j'aimerais partir. Je ne vois plus ce qu'il y a d'autre à faire ou à voir que la souffrance que j'ai déjà vécue, et maintenant, j'ai décidé de dire non à la vie. Si ma vie, c'est ça, je n'en veux plus. Je ressens plus de souffrance, non plus à l'idée de partir, et je me fous que ce soit une âme tueuse ou non. Est-ce qu'il est temps de partir pour moi si je vivre ça et je n'ai plus aucun espoir? Et je m'en fous de l'espoir, et surtout du double caractère. Probablement, moi je me fous totalement de ce que la personne va faire. Une chose est certaine, c'est que il y a beaucoup de parties, évidemment. Elle se fout que ce soit une âme tueuse, elle se fout de ceci, elle se fout de cela. Autrement dit, elle se dit, je sais que je suis totalement à côté de la traque, mais je ne veux pas qu'on me le dise, parce que si on me le dit, je vais répondre, je m'en fous. Bon. Alors, elle peut, si elle veut mettre fin à ses souffrances, qu'elle se suicide. Elle va gagner le monde de la mort, souffrir un peu plus, devoir prendre conscience qu'elle va se réincarner, revenir dans des corps physiques qui n'ont pas fait le chemin qu'elle a fait. Donc, elle devra refaire le même maudit chemin pour revenir à la même situation qu'aujourd'hui, ou peut-être qu'un jour elle posera une question à un autre que moi, où elle dira « je suis ceci, je suis cela », et à force de répéter cette partie où tu arrives presque à vivre, mais que tu te suicides, presque à vivre, mais que tu te suicides, ben, à un moment donné, presque à vivre et tu vis. Peut-être que c'est maintenant qu'elle s'en sort, qu'elle vit. Peut-être pas. Mais une chose certaine, c'est qu'un individu qui veut régler ses problèmes en se suicidant, c'est comme l'individu qui décide de régler les problèmes de la pauvreté en lâchant sa job. C'est à peu près la même chose. Mon travail ne me rapporte pas assez, je suis pauvre, fait que je le sacre là. Bon, ça y est, j'ai réglé. Mais ouais, t'es simplement 20 fois plus pauvre, c'est tout. Et tu devras te retrouver un autre emploi. Tu n'auras peut-être plus de bon linge, peut-être tu n'auras plus... Bon, l'emploi va être encore plus bas, puis lentement tu vas remonter encore jusqu'à temps qu'après 20 ans de travail, tu te dis « Ah ben j'en ai assez, je ne rapporte pas assez, je lâche tout. » On recommence encore. Bien souvent, l'individu abandonne lorsqu'il est prêt d'aboutir. C'est une condition de récupération des mécaniques astrales. Si elle se suicide, elle laissera de la place à quelqu'un d'autre pour faire ce qu'elle ne fait pas. Et elle reviendra dans des corps d'individus qui sont exactement comme elle, aptes au suicide. Jusqu'au jour où l'expérience aberrante du suicide... Vous savez que la réincarnation, c'est un problème. La naissance, c'est un problème. Lui-même vient au monde et il vit 50, 60, 80 années, puis il meurt. Puis il revient au monde, puis il gueule, puis il souffre, puis il chiale de la vie. Celui qui vient au monde et qui suicide à 30 ans, là, bien, il recommence mauditement plus souvent que l'autre. Hein? Fait que s'il aime ça souffrir, qu'il se suicide. Hein? Il va souffrir, c'est peut-être extrêmement intéressant. Ça nourrit le monde de la mort, c'est carrément à côté de la traque. Mais par contre, si cette fois-ci, il se dit, bon, ben, tant qu'à me faire niaiser, pour cette fois-ci, je vais faire l'expérience de me faire niaiser, puis faire voir qu'est-ce que ça passe. Et puis ça marche, ça fonctionne. On vous niaisera pas longtemps. Oh non, ça niaise pas un individu longtemps. Tant que vous êtes suicidaire ou suicidable, ça va vous niaiser, vous intéresser. La journée que l'humain décide, bon ben quoi qu'il arrive, même si je perds mes cheveux, je me suicide pas. Le paquet de conneries commence à s'en aller. Bon, dans le début, vous allez le dire, ça va continuer à vous écraser pour vous prouver que dis-les pas, ça ne changera rien. Puis à un moment donné, ça change. L'énergie va aller, l'astral, l'énergie qui déprime, ben quand ça ne fonctionne plus, ben, ça va aller voir quelqu'un d'autre pour le déprimer, quelqu'un d'autre qui a besoin d'être déprimé un peu. Tu dis que tu vois une intelligence à toute chose, mais il n'y a même pas d'intelligence à la création. Et c'est pour ça que la seule intelligence à toute chose est de la résorber ou de la réabsorber une xième fois. Et moi, je n'appelle pas ça une intelligence. J'appelle ça une réparation en dommages et intérêts. C'est très différent d'une intelligence. Comment peux-tu parler d'intelligence dans un système qui n'en est même pas? L'intelligence, c'est la réalité. La réalité, c'est la vision réelle des choses. derrière toute chose, il y a de l'intelligence. Je n'ai pas dit que c'était de l'intelligence, je dis qu'il y avait de l'intelligence. Autrement dit, chaque fois que l'humain gueule contre quelque chose, s'il aurait une vision plus cosmique des choses, il dirait « Ah bon, je comprends, c'est pour faciliter ceci, c'est pour permettre cela ». L'être humain est investi d'intelligence. L'être humain est la solution à la création. La création étant un accident. Et un accident, c'est du point de vue des êtres créés. Ce n'est pas le point de vue de l'extra-créationnalité. C'est deux choses. Lorsque l'être humain descend pour venir résorber, il laisse des traces d'intelligence, lui. Et c'est cette intelligence que je vois sous les choses. C'est l'humain qui a engendré la mécanique de résorption de l'univers, de la création. Je ne dis pas qu'un verre d'eau est intelligent. Je dis qu'il y a de l'intelligence sous-jacent au verre d'eau. Les humains vont dire « Dieu est partout ». C'est intéressant. Moi, je dis qu'il y a de l'intelligence derrière toute chose, tout événement. C'est parce que l'humain n'a pas suffisamment d'informations, de données, que son ego n'a pas la capacité de légiférer suffisamment pour comprendre l'intelligence. À un moment donné, lorsque l'humain est en contact avec l'intelligence supramentale, il a un point de vue galactique de la chose qu'on appelle la création. Il lui manque encore de l'information du point de vue de l'univers, des super-univers, de la création. Sauf qu'il n'a plus les contraintes astrales de l'humain. Ça ne le dérange pas de ne pas savoir tout. Alors, il y a de l'intelligence sous-jacente aux choses parce que l'être humain est descendu à l'intérieur de la création, même si la création n'est pas, elle, intelligente. Qu'est-ce qui fait que l'on peut résister à toutes les agressions de l'astral sous toutes ses formes? Est-ce une descente d'énergie supramentale de plus en plus forte qui échappe totalement au contrôle de l'astral vu la négociation de plus en plus complète? Ou y a-t-il d'autres puissances qui interviennent le moment venu? Bon. C'est toujours une question d'intelligence supramentale, quoique l'intelligence supramentale, c'est quand même de l'énergie et elle peut prendre différentes formes. Première forme, intelligenciation d'un contexte mental, ajusteur de pensée devenant opérationnel, étranglement du canal réincarnationnel des assujettissants légaux de l'humain aux mécaniques du monde de la mort. C'est conventionnellement ce qui arrive. Une génétique humaine extraordinairement bonne, insuffisamment déployée, n'ayant pas de contact avec l'intelligence supramentale d'une façon plus ou moins consciente ou consciente, peut être préservée par une intervention supramentale qui va faire en sorte qu'on va préserver cette génétique, donc ce corps physique, des agressions de l'astral, des agressions altératives de l'astral, et même des agressions de l'événementiel matériel, donc des événements de la vie. Un peu plus tard, il y aura aussi intervention que l'humain considérera comme étant extraterrestre, de mécaniques provenant de l'avenir, qui vont venir simplement préserver des génétiques biologiques. Qu'est-ce qui est utile et important? Ce n'est pas votre ego. L'ego sert à animer le corps physique jusqu'à temps que vous ayez suffisamment de conscience pour me comprendre, c'est-à-dire pour comprendre de l'intelligence. Il n'y a pas juste moi qui communique l'intelligence. Puis si on peut me comprendre, ce n'est plus juste votre corps physique qui est maintenant important, c'est ce qu'il y a dedans. Mais jusqu'à l'époque où l'humain est capable d'avoir un déploiement de conscience vers la conscience supramentale, c'est uniquement son corps physique. C'est pourquoi les premières religions disaient bien « croissez et multipliez-vous ». Ça ne disait pas « soyez heureux et vivez bien ». Ça disait « ayez-en des petits ». Les corps physiques sont plus importants que l'ego. C'est pourquoi le suicide devient une alternative aux âmes tueuses, une alternative au monde de la mort. Détruire le corps physique veut dire détruire la possibilité de procréation, détruire la possibilité d'imprégnation, détruire la possibilité d'intelligenciation, détruire la possibilité de salut. Gardez vos corps en vie. Pleurez dedans, mais gardez-les en vie. Vous ne pleurerez pas tout le temps. Le rire en maudit. Sauf que l'être humain qui vivra de l'intervention est un être humain qui a une génétique intéressante ou qui a un contact supramental. Nécessairement, pour avoir un contact, il faut avoir une génétique intéressante. Celui qui dit, je n'ai pas de génétique intéressante, notre famille, ils sont tous des alcooliques, des drogués, puis moi, ben, j'ai ci, puis j'ai ça, puis je comprends rien, puis... Est-ce que la personne qui se plaint comme cela est capable de supporter de l'ignorance? Est-elle capable de dire, ah, il y a telle affaire que je comprends pas? Ben, ça me dérange pas, je comprends pas. Ben, c'est comme ça. Sa génétique est déjà bien plus efficace qu'elle ne le croit. Elle n'a pas nécessairement des âmes réincarnées, des mémoires réincarnées qui la poussent à l'évolution, à ceci ou à cela, mais ça, on s'en fout. Être capable d'accepter la vie, c'est déjà être extrêmement évolué. C'est sûr que lorsqu'on n'est pas conscient que nous vivons, il n'y a aucun problème. On accepte la vie, on ne sait même pas qu'on est là. Ça, c'est 99% des habitants de la planète. Lorsque l'on sait que l'on sait qu'on vit, c'est un autre problème. Pourquoi je vis, pourquoi ceci, pourquoi cela, l'aberration, les ci, les ça, être capable de supporter son ignorance, c'est un point d'évolution. Vos génétiques sont intéressantes, c'est-à-dire que vous êtes supramentalisable, vous êtes conscientisable. Le temps, c'est le meilleur allié de l'aristocrate planétaire, de l'aristocrate supramental, de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau. C'est le pire ennemi de l'ancien, le pire ennemi du passé, parce que son heure est comptée. Je suis dans une période de ma vie où je veux aller voir aux Indes, connaître plus sur la spiritualité. Et cette semaine, j'ai essayé de me convaincre de rester ici, car je peux évoluer aussi ici. Mais durant la conférence, quelque chose me disait de partir. Pourquoi? Pourquoi? L'avenir vous le dira. Mais si vous allez aux Indes, allez dans le coin de Pondichéry au moins. C'est toujours utile. Comment le Nazaréen a-t-il réussi à expulser son anti-homme dans le désert? Est-ce qu'il y a beaucoup de temps pour expliquer ça, le Nazaréen? Quelles sont les étapes pour expulser l'anti-homme comme l'a fait le Nazaréen dans le désert? Premièrement, il faut un désert. Et un désert désertique, si possible. Expulser l'anti-homme. Je vais expliquer brièvement de quelle façon ça s'est passé pour le Nazaréen, mais il ne faut pas penser que c'est la solution, on prend des notes, on se dit, tiens, c'est ça, je vais faire cela et ça va être réglé. J'ai connu un jour un jeune, un enfant, qui était parti dans la montagne pour aller expulser son anti-homme. Et il avait été dans un endroit, il avait descendu escalader, il avait descendu avec des cordes sur un pic, un immense pic, et il avait pu jeter ses cordes. C'est fini. Lui, il rejetait son anti-homme ou il mourait là. L'anti-homme rejeté, il savait qu'il pourrait facilement revenir en marchant sur l'air. Alors, il est resté là. Et finalement, dans sa conscience, il a fini par rejeter un anti-homme absolument débile. Premièrement, il a rejeté un maître qui lui a expliqué que c'était pas correct, que c'était ci, que c'était ça, qu'il pourrait le sauver s'il voulait. Et le jeune a dit non, mange-toi. Et à un moment donné, ça s'est transformé en immense créature à plusieurs pattes, des grandes griffes, des grands yeux, enfin, pas quelque chose, imaginez ce que vous voudrez. Et ça l'a simplement arraché la tête au jeune. Alors, il n'est pas mort de faim, il est mort décapité. Il avait gagné, mais son corps physique était mort. Il n'a pas réussi à mener son corps avec lui dans sa mort. Il s'est réincarné unitairement. Il s'est réincarné beaucoup plus tard dans un autre corps. Ce corps est un corps qui a été possédé par de l'intelligence supramentale à un moment donné, par de l'intelligence christique, qui est l'ancienne étymologie du contact supramental. Alors, c'était une intelligence christique, michaélienne, qui, par effusion, est venue rencontrer le jeune, qui, à cette époque, s'appelait Jéhoshua, Jésus. Le contact entre les deux a engendré ce qu'on appelle Jésus-Christ. Le Christ, Jésus. Le Christ, intelligence supramentale, mélangé à un égo humain, Jésus. Lorsque le Nazaréen, qui était le nom initiatique et ésotérique du bonhomme, parce qu'il faisait partie de la secte nazaréenne, une secte essénienne. Lorsque le Nazaréen est arrivé à un âge suffisamment mûr, où le contrat avait été esséniennement signé, donc par la parole, entre l'ego de l'enfant Jésus et la partie christique, il restait maintenant à rejeter la partie anti-homme du Nazaréen. Pour rejeter la partie anti-homme, ce qu'il faut. Il faut premièrement que l'ego de l'enfant, ce que j'appelle moi l'homme, donc c'est la partie de l'ego de l'astral, qui est capable d'accepter le neuf, parce que c'est de l'expérience de très très très très jeune ego, donc de très très très jeune corps physique, donc de très très très jeune enfant, qui accepte le neuf émerveillé vers le monde. Cette partie, Jésus, reste. Tout le reste complet, qui est la partie traditionnelle, la partie juive, la partie araménienne, la partie de l'instruction, la partie réincarnationnelle de l'adolescence et du jeune adulte et de l'adulte, fait partie de l'anti-homme, et tout cela complet doit être rejeté. Pour être rejeté, cela veut dire que l'ego, donc l'homme que Jésus, doit accepter de s'éliminer totalement du corps physique, c'est-à-dire qu'il ne restera que la conscience christique et l'anti-homme. Étant donné que la partie nazaréenne, la partie Jésus plutôt, disons Jésus, qui, elle, va servir de contact entre la partie anti-homme et le plan mental intellectualisé, donc l'interpréteur psychologique et l'ajusteur de pensée, lorsque cette partie qui pourrait être la correspondance de Dieu par rapport à Satan, parce que j'ai déjà expliqué que dans le monde présentement, celui qui se conscientise supramentalement tend à détruire l'illusion de Dieu et oublie l'illusion Satan, libérant donc les forces sataniques, c'est-à-dire que si ce qui tamponne chez toi le mauvais, c'est de l'illusion de Dieu. Détruisant cela, tu deviens plus colérique, c'est-à-dire que ce qui tamponnait le mal étant détruit, tu deviens plus mal. La partie Jésus rejetée, il ne reste que le mal qui vient se heurter violemment à la conscience christique. Immédiatement, l'anti-homme se retrouve à l'extérieur, c'est-à-dire fuit ce contact avec le Christ et se retrouve à l'extérieur. Pourquoi dans le désert? Pour que par imprégnation, personne ne puisse être touché, mais il y avait des spectateurs. Il y avait trois personnages en réalité, qui vont devenir des apôtres du Nazaréen et qui vont d'ailleurs compter ce qui s'est passé dans le désert. L'anti-homme rejeté, le Nazaréen va en digérer une partie, rejeter le reste, qui va devenir le Satan planétaire. Alors, dans le cas du Nazaréen, c'est ce qui s'est passé. Mais il y avait un contact melchisédien et fusionnel entre une mécanique qu'on appelle Michael, l'énergie christique, d'un faisceau, le 15e de l'époque, qui est venu par contrat avec une entité amique qui avait déjà voulu dans l'Antiquité éliminer son anti-homme, qui avait gagné mais qui avait un corps physique. Enfin bref, ce que j'ai expliqué dans le début. Alors ce n'est pas une recette qu'on va, on ne s'en va pas quelque part en se disant, mais moi tiens, je meurs de faim, comme Siddhartha Gautama l'a fait à un moment donné. Il a dit, moi je mange plus, je mange un grain de riz jusqu'à temps que je sache. Et puis, Mouklag, si je ne sais pas, je ne saurais pas. Si je meurs, je mourrai. Il faut absolument qu'un individu ait un bon contact avec le plan supramental pour se risquer à ce genre de phénomène. Je ne peux pas dire que j'interdirais cela à un humain, mais je dois dire qu'il y a des mécaniques plus faciles, un petit peu plus longues, mais mauditement plus agréables pour parvenir à des résultats similaires. La semaine prochaine, les armes tueuses et aussi d'autres phénomènes de d'autres armes. Les cassettes de la conférence sont disponibles à la sortie. Et mercredi prochain, c'est à 19h30 au Holiday Inn de Montréal. Bonne semaine.